frère, retiens le coup. On t'attend tous à la jeune, ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Frère, retiens le coup. Oublie vite ces numéros d'écrou. Renforce ta patience avant que ton moral s'écroule. Frère, retiens le coup. Quand on te garde loin des matins, que tu nous reviennes en bonne santé, frère, nous t'attendons. Frère, retiens le coup. On t'attend tous à la zone, ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Je merde, putain de juge facho. Et son putain d'accent, le verdict est tombé. Pendant deux piges, tu seras absent, j'avais espoir. Quand ils étaient en train de délibérer, j'ai pleuré quand ils ont dit qu'ils allaient pas te libérer. Mais je ferai l'effort, je vais pas me cuter à la vodka. Moi je suis un mec fort, je vais régler les freins de l'avocat. J'suis ton meilleur pote, et je reste fidèle à mon poste. Si t'as besoin de mandat, plus vite qu'à l'approche, cours à la poste, t'es pas là et alors. Pas question que je te mette à part. Une fois le bénéf rentré, t'inquiète pas, t'auras ta part. Je m'occupe du de ma part. Moi je paierai le loyer. Ta famille c'est comme la mienne, je peux pas la laisser se noyer. Grâce à Dieu, il manque de rien. Pour les cours, c'est moi qui règle, je suis réglo. Moi de l'amitié, je connais les règles. Rassure-toi, tu peux l'avoir tranquille la conscience. Les tiens sont trop de bonnes mains, crois-moi, tu peux me faire confiance. Frère, retiens le coup. On t'attend tous à la zone, ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Frère, retiens le coup. Oublie vite ces numéros d'écrou. Renforce ta patience avant ton moral s'écroule. Frère, retiens le coup. Quand on te garde loin des matins, que tu nous reviennes en bonne santé, frère, nous t'attendons. Frère, retiens le coup. On t'attend tous à la zone, ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Si tu m'entends, c'est que 9M4 c'est sorti. Mais je serais plus content de savoir que t'es sorti depuis que t'es dedans. Je rêve plus d'or et de Ferrari. J'aimerais tant te mettre dehors comme Ferrara. Je suis plus le même, je t'avoue, depuis que t'es incarcéré. Et puis même, j'avoue, j'ai le cœur serré. Je suis toujours râle tout le temps. Avenue de la liberté, je te jure, râle, j'attends. Ta venue que tu sens liberté, que tu fuis, partes. J'espère te freine, du pis, je m'écarte. Devant des jazz, frère, je freine. Au ghetto, c'est le hammam. Et je suis de mauvaise mine. Quand je suis avec ta mère, Wafa Hanen, Mohamed Amin, on me demanda. Alors wesh, qu'est-ce que tu dis? Je suis là pour des mandats. Et que les petites étudient de ta vie hall. Ils t'ont barbé les secondes. L'été, la tôle et les barbelés se bondent. Frère, retiens le coup. On t'attend tous à la zone. Ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Frère, retiens le coup. Oublie vite ces numéros d'écrou. Renforce ta patience avant ton moral s'écroule. Frère, retiens le coup. Quand on te garde loin des matins, que tu nous reviennes en bonne santé, frère, nous t'attendons. Frère, retiens le coup. On t'attend tous à la zone. Ta famille, tes amis, rien de toi dans l'ensemble. Pour ton retour, une big teuf est en préparation. On rattrapera le temps perdu dû à cette séparation. Fais-toi plaisir à foutre le cœur, vas-y, c'est moi qui offre. Surprise, y'a un bon magot qui t'attend dans un coffre. Par an quand je vois ça te fera du bien. Ouais, prends du recul, hormis ça quand tu reviens. La justice on l'encule. Même malade sur moi tu pourras compter. Des salades tu pas là pour raconter. Frérot, tiens le poireau. L'arôme de l'air libre, loin des barreaux. Tes livres sont faits à carreaux, leur quart de tarot. Nous prétisent la haine, cultive la patience. Nous ferons au sol pour être dans le din. Radine la rancune, c'est pas le meilleur calibre. Et si la balance de la justice trouve rarement son équilibre. L'arbitre c'est celui de là-haut. Je pense à toi en lisant le Fatha. Amin, tiens le coup, frérot.